Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado diffusion. Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Ça sent le verre à l'air. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Et Mathieu Bouillon. Wow. Hein, on a pris deux semaines. On a pris deux semaines de break. C'est fini ce temps-là. Bonne année à tous. Bonne année. Que 2012 soit douce. Encore en direct, en différé de Les Passages. Merci beaucoup à, oui, merci à toute l'équipe des Passages merci pour l'accueil. Merci. On est excellent. On veut revenir au mois de mai. Ah, donc, voilà. Hey, c'est notre dernier devant public pour un bout. Oui, oui, oui, pour un bout parce que ça marche pas. Ils embarquent trop, ils sont trop fins. C'est malade. C'est hey, on a un problème, je pense, en plus. Oui. Oui, vas-y. Allons-y. Donc, hein. On a reçu un problème de la part d'Éric, qui est là, qui regarde. Oh, oui, il me dit quelque chose. Oui. Comment expliquer à quelqu'un qu'il émette une odeur désagréable? Oh, c'est Éric. Est-ce que c'est lié à une expérience personnelle? Plus ou moins. Party de temps des fêtes? Il répond plus ou moins. Ouais. Ça veut dire que oui. Ouais. C'est qui? Est-ce qu'il est dans la salle? OK. Disons le facteur. Non. Viens donc au micro. Viens au micro. Aïe, on l'applaudit. Petit détail. Ça va aller mieux. D'ailleurs, l'emploi du masculin sera pour préserver toute réputation. Très bon. OK. Vous aurez compris que c'est une femme. C'est un collègue de travail. Oui. Que je fréquente relativement peu, mais que je fréquente assez pour me rendre compte de certains problèmes. D'accord, merci de ces informations. Je sais pas si ça répond à vos questions, messieurs. Ben mais nous, on a ça dans l'équipe. Mais c'est-tu genre... Parce qu'il y en a qui portent beaucoup de parfums. Non, on est complètement à l'inverse. Là, c'est swing party time. En fait, non, je pense qu'on est dans un cas d'appartement ou de maison un peu trop humide, le linge sèche mal. Ça sent le manque de sécheuse. Non, c'est pas elle, c'est ses vêtements. Probablement. C'est pas lui, pardon, excuse, c'est pas lui. Ouais. Lui, elle, peu importe. Hey. Pour vrai, merci. Non, mais je pense qu'il faut aborder le sujet aussi comme genre de swing, oui. Trop de parfum. Oui. L'autre fois, j'ai donné un titre, la sudation urinée. Je trouve que des fois, il y a des gens qui sentent le swing de pisse. Oui, complètement, complètement. Il y a le swing de sport et le swing de pisse. C'est la même chose, non, Antoine? J'ai pas compris la question, je vais dire oui. Non, mais... Messieurs, je lance un vox pop. Selon vous, c'est quoi la pire odeur? Le beurre à l'air. Merci, Renaud. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous rebute particulièrement? Ben, moi, vraiment, ce que j'appellerais le swing de pisse, tu sais, ce qui est un peu l'odeur des clochards aussi, des fois, là. Mais, voyons, expérience vécue. Ce dimanche, on est allé au restaurant, à un brunch, et une dame d'un look là, complètement convenable puait comme un clochard. C'était terrifiant, là. Hein, Émilie Jacob? Des souvenirs. Ah ouais. Ouais. OK. Non, mais on a tous rencontré... Des fois, on a été cette personne-là. Moi, ça m'est arrivé d'être en autobus, faire... Non, ça sent donc bien le swing dans cet autobus-là. Maudite merde. C'est qui le popera? Puis faire comme... Hey, God, ça arrive. Je sens le swing. Ouais. Et là, tu te sens mal pendant... Mais quand tu réussis à t'en apercevoir, au moins, tu fais... Mais moi, je le sais. Ouais, je suis conscient. Mais il y en a, là, que c'est constamment... C'est constant. Puis tu fais... Tu le sais pas parce que clairement, jour après jour, tu sens le swing. Je comprends pas. Cette personne-là. Oui, je comprends pas. On en a tous, je pense, un morceau de vêtement là, désagréable qu'on pense pas qu'il pue, même si on le lave. Puis à chaque fois, il sent une chemise là, qui a une odeur imprégnée de swing. Ça, je pense, c'est souvent de la rayonne aussi. Ce tissu-là a une tendance à sentir très, très mauvais. Je parle vraiment pas de ton chandail, Antoine. Je parle juste de la rayonne en soi. Arrêtez, je suis à l'aise. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a sur ton chandail, justement. Oui. C'est trop loin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Éric Salveille. Oh. Excellent. Oui. Ben c'est sûr qu'il y a d'autres traditions, d'autres façons de faire. Et j'en profite pour saluer les gens de la francophonie qui nous écoutent. Les particulièrement... filles qui nous écoutent pas. Oui, je les salue également. En France, par exemple, l'étiquette au niveau de l'odeur est différente. Ouais. Ouais. Ben, pour avoir eu quelques expériences en impro, on allait jouer là-bas. Non, mais c'est pas... je dis pas que c'est pas correct. Je dis juste que ça pue. Et... On salue. Non, mais l'hygiène, c'est sûr que si on est privilégié, on n'a pas connu la guerre, oui. La pénurie de savon, d'eau. Oui, l'eau coûte d'eau. Rien aussi. Oui, exact, c'est ça. Il y a d'autres pays où ben, tu te laves pas tous les jours, puis c'est correct pour toi, tout seul. T'sais. Mais la visite, ben, on subit. Ben, oui. Je vous dirais qu'on s'habitue après 6 mois. Sincèrement, moi, je pleurais plus. Mais c'est drôle, Antoine, c'est ça qu'on faisait. Nous, quand on allait en tournée d'impro en Europe pendant un mois, les cadeaux qu'on donnait aux équipes qui nous recevaient, c'était des wet ones puis des brosses à dents. C'est super insultant. Des déos. Tu sais, quelle horreur. C'est un beau panier, par contre. Ouais. Mais tu sais, comme quand quelqu'un sent mauvaise haleine, tu sais, moi, des fois, je fais « Ah, je me prends une gomme, t'en veux-tu, tu sais, ou t'en veux-tu, tu sais. »« Hey, je vais prendre ma douche. Tu viens-tu avec moi? »« Viens-tu, t'en veux-tu? » Ouais. Non, mais peut-être avertir ses collègues et dire « OK, attention, demain, je vais sentir le swing. » Puis cette journée-là, se concentrer sur la personne. Oui. Puis, tu sais, être beaucoup avec. C'est désagréable. Excuse-moi, j'ai eu de la difficulté à faire sécher mes vêtements. Et... C'est cool dans ce temps-là, hein, ouais. Trouves-tu? Ouais, c'est drôle, ouais. Mais c'est vrai que ça sent là, ça, la vieille eau de laveuse aussi, les laveuses frontales, là, le caoutchouc pour fermer la porte, là, c'est vraiment la pire odeur. Ah, ça pue, là. Oh, bon. Surtout que moi, je lave mes vêtements avec des vieux fromages. Là, c'est difficile. Une balle de tennis, puis deux vieux fromages. Une brise. Une brise, une brisée de lavage. Non, Mathieu. Non, ça fonctionnera pas. Mais comment lui dire? Oui. Hein? C'est ça, la question. Comment lui dire? Mais comment lui faire comprendre aussi? Ben, y a la confrontation directe. Pues, mon esti, arrête. Ah ouais. Ça mais fonctionne pas toujours. Sincèrement, moi, je suis de cet avis-là. Je trouve qu'il n'y a pas de pardon pour le fait de puer. Parce que si toi, tu te le dis pas, t'incommodes là, 80 personnes dans ta journée. Ouais. Cette dame-là, ça serait un cadeau que tu lui dises. Tes vêtements, là... Ou cet homme, là, tu sais, enlève ça de ton séchoir, là, ça ne fonctionne pas. Mais là, peut-être s'adapter à la personne. Tu sais, si c'est la personne qui lit les boîtes de suggestions, là, tu sais, t'as ta solution. Genre, hey, la madame qui lit les suggestions pue. Ouais. Ouais. Non, mais sinon, toujours le babillard des employés, hein? Une petite note anonyme, faire devine qui pue, c'est peut-être toi. Ouais, ouais. Puis là, tout le monde va voir cette note-là. Bon. Tu sais, oui. Moi, excuse, vas-y. Non, organiser une sortie obligatoire au spa, où tout le monde, une fin de semaine, dire on fait une activité de groupe, puis juste dire toute la fin de semaine, hey, on est-tu bien propre? Ah, c'est drôle. Ça fait du bien quand tout le monde sent bon. En es-tu bien à tremper dans de l'eau dans laquelle tout le monde a trempé? C'est ça, tu sais. J'allais raconter, moi, il y a un matin où la vie m'a ouvert les yeux. J'étais dans le métro et j'avais une haleine de matin qui, semble-t-il, ne plaisait pas à tous. Alors, j'ai une amie avec qui, ma coloc de l'époque me dit, « Mathieu, attention, tu sens mauvaise haleine. » Là, j'ai fait, « Ah oui, pour vrai? » Et la dame à côté, à qui on ne parlait pas, avait fait, « Oui. » Depuis ce temps-là, le matin, j'ai une haleine irréprochable. Non, mais peut-être, justement, la personne la plus proche de soi, toi, c'était ta coloc. Oui. Maintenant, on se voit plus. Puis une personne qu'on connaît pas. Non, mais, tu sais, peut-être trouver, justement, quelqu'un qui connaît cette personne-là intimement, puis lui dire, lui exposer à cette personne-là, pour qu'elle puisse lui exposer le problème d'une façon plus, comment dire... Délicate. Merci, Antoine. Ça me fait plaisir. Oui, utiliser Facebook pour régler cette affaire-là. Peut-être que t'es ami avec cette personne-là sur Facebook. Mais faire un groupe? Pour que Gisèle lave son linge. Un groupe, lise pu. Non, mais je veux dire... Si tu pues, lève ta main. C'est ça. Non, poster sur ta page un article comme de quoi c'est nocif pour les bébés, les gens qui puent. Ça existe sûrement, quelque chose comme ça. Non, parce que c'est pas direct. S'il vous plaît. C'est respectueux, ouais. C'est peut-être trop tendancieux. Je vous trouve un peu dur, les gars. Si tu peux me permettre. Là, hola. Non, parce hola. Que les odeurs, malheureusement, on essaie de les éliminer dans notre monde dit moderne. Mais il parle beaucoup. Mm. On se souviendra, il n'y a pas si longtemps, quelques siècles encore, les odeurs corporelles étaient changées par la maladie, par exemple. Donc, un médecin faisait son diagnostic entre humains. Signifant le cul. Absolument. Également, ça codifiait nos rapports. On le sait, hein, qu'on émet des phéromones, des odeurs. On se situe les uns par rapport aux autres grâce à ça. Dans ce temps-là. Oui, mais si tout le monde sent la merde en même temps, t'es tout dans la même patente. Ouais. Moi, je dis juste que peut-être qu'il faut lui donner une chance à cette personne-là, lui donner d'autres moyens de s'exprimer que par ses odeurs. Mmh. Tu penses? Ah, je suis certain. Un cours de poésie, ouais. De danse, et elle ne parlera plus avec ses odeurs. Ouais. Peut-être qu'elle veut... Elle, c'est un cri du cœur, peut-être. Il y a des gens qui ont les sens amplifiés, tu sais, qui ont comme un super sens. Il y en a qui observent mieux que les autres. Il y en a qui vont mieux sentir. Mais là, pendant qu'il n'est pas loin, toi, cette personne-là, qui est probablement un gars, faire expliquer à un collègue, moi je sens plus que la moyenne. Je suis un hyper... nasal. Odorant. Olfactif. Super olfactor. Je suis nausé. Super olfactor. Non, mais c'est ça, tu sais, il a expliqué ça. Fait que je sens beaucoup. Tu sais, si tu laisses sécher tes vêtements. Faire ce que tu dis, Fred, mais ramener ça sur toi. Fait que toi, Eric, dans la salle de lunch, dire hey, hier, je pense que je chantais vraiment mauvais, je m'excuse. C'est juste. C'est bon. Comme ça, la personne va sentir, peut-être que moi, je pue, puis elle va sentir, elle va perdre conscience parce qu'elle sent vraiment, tu sais. 6 litres de diarrhée, mais finalement, ça part le lendemain faire bon, correct. Ouais. Mais tu sais, juste un sketch comme on a fait au début là, de la présentation, tu sais, ah, poids, maudit que ça. Ça sent mauvais, là. Tu sais, qu'elle va se sentir visée, peut-être. Là, mais semer le doute, c'est sûr que, tu sais, moi, si quelqu'un dit, hey, ça. Déjà là, tu sais, je fais comme. Je lève moins les bras que tantôt. On en parle, moi. C'est je me demande si je suis vraiment, tu sais, au top de ma journée. Mais non, c'est parce que, tu sais, le vieux T-shirt LED qu'on s'est dit qu'on avait porté, il était un peu en dessous de plein d'autres c'est T-shirts. Sûr, ça fait longtemps, tu sais, il n'a comme jamais été porté. Dans le beurre à l'ail. Sinon, cette dame-là, est-ce que tu pourrais lui donner des surnoms très méchants? Tu sais, comme genre pue la mouette ou je sais pas trop, là. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme pour quelqu'un dont les vêtements sont humides et ils sentent mauvais, tu sais? La tabarplotte. Lave-la, l'idée. Ça règle tout, ça, tabarplotte. Hey, toujours sur Twitter, Charles, qui lui racontait qu'on a été incommandé par quelqu'un qui pue dans telle ou telle situation. Ah, très bon, c'est vraiment. Janie S. qui écrit s'inspirer du truc de la mauvaise haleine, se mettre du parfum et lui en proposer subtilement. Hein? Faire « Hey, je suis en train de me mettre du parfum, qu'est-ce que tu fais, toi? » Ah, dans l'œil. Bing. Et voilà. Hey. Non, mais t'arrives, tu expliques. Hein, y a des trucs hein, pour l'odeur de moufette, le jus de tomate moufette dans un bain. Ah non, t'as pas été. Ah, c'est pas une moufette qui t'a fait ça. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Une moufette. Hey, j'étais sûr. Moufette qui je m'excuse. Ah mon Dieu, non. Je t'avais préparé un bain de jus de tomate. Il est juste là. Ah, Notre ami des geekers nous propose plug ta collègue qui pue en blind date avec le gars réparateur Maytag. Hein? Oh. Tu sais, comme... Qui répare. Il est mort. Ah, oh, quelle frette! Il me fait lire ça. Il me fait lire ça. Ah, c'est puis il t'a piégé. Peut-être qu'il crissait du Febreze d'en face. Ça pue. Moi, je trouve que ça pue le Febreze. Ah ouais, mais c'est moins pire que le linge humide. Là. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais un petit cadeau d'équipe, un déshumidificateur. Hey, bonne fête! Ouais. Hey. Bon, tu dirais que c'est pour sa grippe. Tu sais. Mais tu caches ça dans sa sacoche. Elle ne sait pas. Oui. Ah oui, elle se déshumidifie à son insu. Elle sèche. Ouais. Et voilà, elle ne sent plus rien. Momifiée. Ou tu t'arranges avec son boss pour qu'elle reçoive une promotion, mais le titre de son nouveau poste est humiliant. Tu sais, comme t'es promu comme la nausée abonde. Tu sais, mettons. Elle est rendu, peut-être contente. Elle est rendue où? Elle est en poudre dans le coin. Pourquoi dans le coin? La madame en poudre. C'est encore plus humiliant. Ah oui, on fait des tests avec les chiens d'aéroport, puis ils essayent dans le bureau. Puis ils checkent le monde qui pue. Ouais, non, mais. C'est grave fort. Mais les chiens vivent dans un monde d'odeur. C'est-à-dire, nous, c'est plus visuel, eux, c'est l'odeur. OK. Et eux autres, ça leur dérange pas parce qu'ils sentent tout tout le temps. Ah, oh, OK. Mm. Oh, c'est bête. Je pensais que j'avais une solution. Non, mais ils vont peut-être la sniffer plus. Organiser un party de bureau, on sent toutes comme Geneviève. Ça, c'est drôle. Ah, c'est son nom en plus. On l'a nommé. Bon, ça y est, c'est parti. Salut Geneviève. On va arrêter de faire semblant. Tout le monde fait mal, sécher son linge pour que ça pue. C'est drôle. Ou peut-être préparer des bannières, genre, si jamais elle se présente et elle pue pas, tu sais, comme, Geneviève pue pas aujourd'hui. Puis, tu sais, faire une fête. L'encourager. Comme... Ouais, mais... Demander au patron de faire une annonce sur un employé qui n'a jamais existé, de dire « Ouais, j'ai mis Luc à la porte parce qu'il sentait vraiment le fumier. » Ouais, mais c'est qui, Luc? Faites attention. Dans l'entrée du bureau, là... Le sas, là. Tu sais, l'hiver, des fois, il fait très chaud, là. Oui. Tu sais, il y a quelque chose, là. Peut-être non, ça le sèche. Ça sèche. Ou les techniciens avec des hoses... Ouais, ou quelque chose de plus discret, ouais. Là. Nettoie tout le monde à l'entrée. Oui, jet de sable. Un jet de sable. Non, on essaye quelque chose. Il fait une intervention, puis tout le monde, il pète dans la face. Pour lui faire goûter à sa médecine. OK, elle pète pas dans la face des gens, Mathieu. Pète pas le pédage. On parle de Geneviève. Comment t'organiserais ça? Ouais. Tout le monde va au grec sur l'heure du midi. OK. C'est à 2h30 que ça se passe. Les gens sont plus hauts sur des tables? Oui, et baillonnés. OK. Puis dans une chaise roulante, fait que tu la pousses. Dans une chaise roulante, puis il y a comme une table de conférence, puis là, les gens se baissent les culottes. OK, tu l'as déjà faite, là. OK. Ils l'inventent pas, je peux pas J'ai croire. J'ai été Geneviève à une certaine époque. L'école secondaire m'a pété dans le temps. Oui, c'est 2400 personnes. Ouais, oui. Mais les fameux... Tu dois avoir une couple de vieux magazines chez vous, là. Petit message avec des lettres découpées. Le classique. Oui. Ouais. Le poisson mort. Dans son courrier. Tu sens le... T'as le poisson. Oui. La grosse base. Je pensais que tu parlais des magazines avec des échantillons de parfums qui pourraient passer d'en face. As-tu lu ces articles-là? Ah, c'est bon, ça. Oui. Tu vas en mettre sur ton linge. Ah, il a acheté des vêtements qui se lavent juste chez le nettoyeur. Systématiquement. Non, oui, je te l'offre. Je te l'offre, ça me fait plaisir. Une belle robe. Oui, puis j'en ai un pour le lundi, un pour le mardi. Mercredi. Mercredi. Est-ce qu'on est rendu aux solutions préférées? Et toi, Eric, quelle solution t'as parlé? Ou combien t'en veux de plus, sinon? 8 solutions de plus. Ah, OK, facile. On va faire 10. Non. Tu marches sur les mains. Lui enlever ses glandes. Mais si c'est les vêtements, ça peut être la journée tout nu, ouais. Oui, c'est les chapeaux drôles. Ou... Ça, c'est peu. T'as dit des mauvaises idées, ça fait partie des 8, Eric. Oui. Pas, c'est pas tant. On y va, là. Non, c'est correct, Eric. Ouais. Des petites capsules là, de parfum. Paintball, tranquille, là. Elle se promène. Paintball, parfum. Ça sent bon. Bon, je vous explique. On l'a dessus! Ma tranche de vie. Petit garçon qui a la toux. On m'a parlé de suppositoire pour la toux. Oui. Tu mets ça. Il émane la menthe. Oui, ça n'a pas d'allure. Donc, petit suppositoire à son insu. Oui. Oui. Viens t'asseoir. Enlève ta main. Non, viens t'asseoir. On va parler. Des culottes comme tout le monde. Il y en a des suppositoires lisoitiers qui sont des suppositoires parfums qui sentent très, très longtemps. Oui. Neige anale. Hey, ça doit pas faire. Ça doit faire 2012, vite. C'est vraiment le fun. Neige anale. On est rendu à combien, là? On va dire que c'est bon. On dit que c'est correct. Okay. On a un go. Mais viens t'asseoir avec nous 2 secondes. Oui, on l'applaudit. Crée Geneviève. Non, on va profiter de ta présence parce que non seulement on veut ta solution préférée, oui. Ou la meilleure selon toi, mais on veut aussi savoir tes meilleurs moments de pas de problème parce que t'es quand même un archiviste. Tu nous as déjà envoyé un message par rapport à ce qu'on avait... fait jusqu'à maintenant. Oui, de bien. Ce qu'on avait réalisé. Ouais. J'arrête pas. Je suis comme le J.M. Lavergne de la... du podcast. Oui. Écoutez, vous avez déjà répondu à une de mes mes situations problématiques sur la motivation, je ne sais pas si vous voyez la correction, ça va beaucoup mieux. Oui. Bon. J'ai jamais autant mangé de fruits au long de ma vie. C'est vrai. Alors, voilà. Non, sérieusement, ma situation préférée... Allez réécouter ça. Ouais, c'est très drôle. Chose dans, c'est quelque part entre 40 et 70. Ah, réécoutez-les tous, au pire, mal pris. Non, ma situation préférée, je pense que c'est effectivement de passer des messages subtils aux autres ou à partir à propos de soi. Puis bon, espérer qu'à un moment donné, on puisse resserrer le cercle des messages subtils autour de lui ou elle. Oui. Ah oui. Ouais, c'est bon. J'ai tué la soirée. Non, ça, merci pour ton problème et ta participation. Un volant de caca. Ah oui, ça j'aime ça. Merci, merci Fred. Merci Antoine. Merci. On souhaite une belle année à tous. Oui, oui. Bonne année, pleine de bonnes odeurs. Vous n'avez pas de situation préférée, de solution préférée, c'est ça? Ben voyons, oui. neige anale. je vois pas pourquoi on revient là-dessus. Non, mais moi, j'aimais bien... Ça recoupe un peu ta solution préférée, c'est-à-dire stager la journée où tout le monde pue pour y faire peut-être réaliser « Hey, moi, des fois, peut-être je pue aussi. Oui. » Tu sais, à croire. Ou scander des trucs. Hey, après vos solutions préférées, c'est quelque chose d'autre. Moi, c'est changer de job, tout simplement. Fait que, ouais. Comme toi, lui dire subtilement par d'autres gens, raconter une fausse histoire à quelqu'un pour qu'elle l'entende, comme de quoi c'est important l'hygiène. Oui. Le subtil jet de sable. Mm-hmm. À son insu. Le subtil suppositoire. Oui. Complètement. À la menthe. Mais si tout le monde pue de la bouche, genre du beurre à l'ail... Après leur party de Noël. Je comprends pas. OK. Après le party, on sent tous comme j'aime bien. Ouais. Non, mais hey, juste avant de te laisser partir, as-tu une solution à notre problème qui est comment changer le monde pour le mieux avec le moins d'efforts possible? Ouais. Ben, en tant qu'archiviste, je pense que je reprendrais une des solutions récurrentes d'Antoine. Oui. C'est-à-dire le laser, tranquille, la nuit. Voilà. Chip, ou quelque chose comme ça. Il a essayé de le faire, ça n'a jamais marché. Dans l'oreille. Mais tu vois beaucoup mieux, par contre. Et voilà. Hey, merci, c'est une très belle proposition, ça. J'ai Éric Richard! Bravo! Bravo, Éric! Vous avez des solutions à notre problème? Envoyez-nous ça. C'est pour un concours. On va décider bientôt qu'est-ce qu'on donne, mais ça risque d'être gros, là. Ah oui, ça va être un gros prix. Une voiture. Oui. Non, mais... En fait, pas de voiture parce qu'on veut changer le monde. Oui. Mais on vous rappelle aussi qu'on a besoin de vos problèmes. Oui. Et on aimerait ça. J'aimerais ça, des disputes. J'aimerais ça. Qu'on tranche. On va trancher. On juge. Oui, c'est très bon. Qui a raison et pourquoi et comment... Comment régler ça? Ouais. On vient obstinage entre amis, là, puis on veut qui a raison là-dedans. Là. C'est intéressant, ça. Ouais. Régler ce problème-là. Ouais. Problème d'amitié. Ah oui, non, des affaires graves, un peu élevées, là, sérieuses. Complètement. Là. Ouais. Avec donc, des enjeux importants. Sinon, allez sur iTunes Store, nous mettre un 5 étoiles. 5 ou rien. 5 ou rien. Sinon, j'allais dire, si vous êtes à Montréal en janvier, la Lime au Lion d'Or, les dimanches, Jean-Philippe, moi et Fred Jouon, des fois Antoine. Jamais! Ou sinon, le 13 janvier, le troisième de 8 créations instables, entre autres avec Jean-Philippe Durand ce mois-ci. Oui. Au Théâtre de l'Esquisse, allez voir ça, l'instable.com. Voilà. Merci à nos amis de chez Sonar. Oui, merci beaucoup. Sonar, merci pour passage, l'accueil, votre patience. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil chez Passage. Merci aux gens qui se sont déplacés pour quatre épisodes. Merci, bravo. Votre patience et votre compréhension avec Frédéric ont été exceptionnelles. Merci d'avoir trouvé la bine dans le gâteau. Et où le pénis d'Antoine? Je le récupère. On dit une syllabe chacun. Vous. Za. Un. Bonne. Blame. Nous. Za. Vont. Un. Bonne. Cast! Merci! Best thing ever! Merci!